Ça y est, c'est la deuxième partie de cette fameuse sale idée de chasser les mariages et les cohabitations des sans-papiers en Belgique. Autour de la table, mais il n'y a pas de table. Elle est sur le côté, en fait. C'était une énorme table. On a tiré nos chaises et on s'est mis sans table, en rond, comme pour se rapprocher un peu plus les uns des autres. Il y avait Brigitte Gueff, Nisham Bouli, Milena Patouli, Francesca Pittoni, Amal et Abdoulaye. Et ces personnes, entre autres, font partie d'un réseau qui s'appelle Amoureux Vos Papiers. Mais avant, à la tienne, Étienne, avec la sans-pape. On a créé le projet de la bière sans pape suite aux différentes occupations de sans-papiers qui se passaient. On a fait partie de l'équipe qui ouvrait les squats pour les sans-papiers, donc on pétait la porte, on mettait des sans-papiers dedans. C'était soit un bâtiment vide, soit la rue. Et on était fatigué sur d'ouvrir ces squats, alors on a créé un projet pour avoir des revenus réguliers, quoi. Le projet de la bière sans pape. La priorité de ce projet pour nous, c'est de vendre un maximum de bière pour pouvoir fournir une occupation, pour pouvoir fournir une source de financement pour payer les charges des différentes occupations, l'eau, l'électricité et le gaz. Ici, on est dans un bâtiment qui s'appelle l'hôtel Astrid. Il coûte son papier pour qu'ils y veulent y loger entre 3 000 et 5 000 euros par mois en frais de charge. Et ce sont des gens qui n'ont pas le droit de travailler. Donc, dire à des gens qui n'ont pas le droit de travailler qu'ils doivent payer des charges d'un bâtiment, c'est énorme. C'est pour ça que nous, on s'associe à leur côté pour pouvoir leur trouver des sources de financement alternatives, quoi. Aujourd'hui, on est un peu pris par le fait que c'est un projet qui parle énormément. C'est un projet qui dégage énormément de bonnes énergies et on est littéralement débordé sous les commandes. En fait, il y a une histoire que je raconte souvent, c'est on était en réunion pour savoir quel projet on allait lancer pour pouvoir financer les différentes occupations et de façon plus large financer le mouvement. Et après, à peine on s'est assis tous autour de la table, il y en a quelqu'un qui a dit qu'il nous manquait une bière, qu'il manquait de la bière. Et là, on a tous rigolé parce que du coup, on avait notre projet, quoi. Donc, bien plus qu'une bière, pour nous, c'est aussi une bière, ça parle aux Belges en fait. Une bière, même si la plupart des gens dans ce bâtiment sont musulmans, une bière parle vraiment au monsieur, madame, tout le monde. C'est une façon pour nous de parler des sans-papiers, mais de façon moins clivante. C'est, tu bois une petite bière, tu lis l'étiquette, tu réfléchis un peu à la thématique des sans-papiers, mais sans messages vraiment politiques qui peuvent être comme aujourd'hui. Je trouve que la politique est trop clivante et boire une petite bière, ça permet de parler un sujet politique grave tout en l'abordant d'une façon assez humoristique. Derrière, on a aussi l'ambition de créer une marque de bière qui est faite directement par les sans-papiers. Il faut savoir qu'actuellement, on travaille avec un brasseur qui est notre partenaire, la brasserie J'irai brasser chez vous. Mais l'idée, c'est qu'à terme, les sans-papiers, dès qu'ils en ont le temps, apprennent à eux-mêmes à brasser. Mais on aimerait bien que dans un temps futur, il y ait la bière des migrants faite par les migrants qui leur permettrait plus tard d'avoir, pourquoi pas, un permis de travail, quoi. C'était juste un commentaire. En fait, quand tout à l'heure on disait que le mariage entre une personne avec papier et une personne sans les bons papiers, ça devient une affaire d'État. Moi, je ne suis pas contre ce principe. Micro de l'État se mêle dans ouvert. Mais bon, évidemment, il y a une. Parle pas trop vite, sinon on ne comprend pas. Comme, tu vois, tu n'es pas contre quoi, tu as dit? Non, je veux dire, j'aimerais bien que l'État se mêle de mon mariage quand il y a des problèmes tels que la violence conjugale, par exemple. Je veux dire, en Italie, jusqu'à récemment, à chaque fois quand les femmes dénoncent des violences conjugales, c'est dire bah, c'est une affaire privée, c'est pas une affaire de tout le monde. Mais là, quand par hasard, le mariage devient une affaire d'État. Oui, justement, mais évidemment, il y a derrière toute une culture. Culture de racisme. Mais oui, oui, mais ça, pourquoi on a du mal à, pourquoi on a du mal à le dire ? C'est pas que j'ai du mal à le dire, mais moi je l'ai pas, je vais pas jusque là. Je ne pense pas, parce que j'ai vécu tout ça, hein, j'ai vécu tout ça. J'ai été avec mon mari dans toutes les étapes. J'ai entendu pas mal de choses, mais je ne pense pas. Mais alors c'est quoi ? Je sais pas. Mais tu sais pas, tu sais toujours pas. Non, je ne sais toujours pas c'est quoi, mais... Et les gens enfermés, et les gens enfermés au 127 bis, pourquoi ils sont enfermés ? Les gens, ils étaient très... où ça ? Au 127 bis, pourquoi ils sont enfermés ? Ben, parce qu'ils ont, ils sont des citoyens illégaux là-bas, donc c'est pour ça... Tu trouves que c'est des citoyens... Essayons de sortir du cadre. Tu trouves que c'est des gens qui sont illégaux ? Pour eux, oui. Pour eux. Pour eux, c'est des gens illégaux, oui. Pour l'État. Pour l'État, oui, c'est pour l'État. Mais pour toi, fondamentalement. Pour moi, c'est des gens comme vous, comme moi, c'est des gens. C'est des gens normaux. Alors pourquoi on les enferme ? C'est le système. C'est le système qui est mauvais. Et pourquoi il est mauvais ? Mais moi. Vous voulez que je dise racisme ? Ben, je l'ai mais pas non, senti. Mais pas forcément. Mais des mots à toi, des mots... Je veux dire, qu'est-ce qui fait que dans notre système, dans notre société, il y a des gens qui ont des papiers, il y a des gens qui n'ont pas de papiers, il y a des gens... On vient s'immiscer dans ta vie. Tu as déjà parlé avec des couples mariés, avec des papiers. Est-ce qu'on vient... Enfin, c'est dingue tout ça, oui, non ? Non, c'est différent, c'est ça. Quand on a les papiers, on va à la commune, on prend un rendez-vous, on se marie, et puis merci, au revoir. Mais quand c'est pas... C'est un des deux, non, pas les, donc les papiers, les titres de séjour, là, ça devient un calvaire. Ah ouais, bah moi, j'avais envie de poser pourquoi. Pourquoi ? Vous voulez toujours avoir le pot, hein. Ben, moi, je vais répondre au pourquoi, parce que le pourquoi, c'est également pourquoi est-ce que pour le MRAX, qui est une association antiraciste, pourquoi c'est aussi important d'être à côté de ces couples. Toute cette politique... Et cette politique par rapport au mariage, ce n'est pas tous les mariages qui sont concernés par cette politique. Ce sont les mariages où on va avoir un couple dont un est sans papier. Et le plus souvent, le sans papier, c'est une personne d'origine étrangère. Et pas, quand je dis étrangère, ce n'est pas étranger qui vient d'Europe. Non, c'est étranger qui vient d'un autre continent, et le plus souvent d'Afrique. Et c'est pour ça que nous, au niveau du MRAX, on s'est... intéressé à ce réseau amoureux vos papiers qui a été créé par Claire Getting the Voice, c'est parce que il y a cette... Comment t'as dit ? Claire Getting the Voice out. Moi, je dis Getting the Voice. Oui, tu expliquais au début. Oui. C'est dans... Parce que nous, on travaille beaucoup sur les lois antiracistes et antidiscrimination ici en Belgique, et il y a un concept qu'on appelle la discrimination indirecte. La discrimination indirecte, donc, ce sont des règles apparemment neutres, mais qui vont avoir des conséquences discriminatoires. Et donc, là... Exemple, pour qu'on comprenne. Un exemple par rapport à la... je vais encore prendre des trucs... Qu'est-ce que t'as dit ? Toujours dans le cas du mariage, hein. Toujours dans le cas du mariage. On va avoir que l'officier de l'état civil dit « on va systématiquement dans les dossiers, donc c'est systématiquement dans tous les dossiers, on va regarder s'il y a mariage de complaisance ou pas. » Par systématiquement dans tous les dossiers, il sous-entend systématiquement dans tous les dossiers où une personne étrangère sans papier est impliquée. C'est pas... Dans la majorité des cas, c'est comme ça. Mais souvent, quand ils ont deux Noirs qui veulent se marier, ils vont peut-être penser qu'ils sont sans papier. Donc, dans la majorité des cas, c'est quand une personne est sans papier que ça arrive. Mais cette politique... C'est pour ça qu'on utilisait le mot raciste. Et raciste parce qu'ils ont une vision du mariage qui est une vision... L'État. L'État a une vision, pardon. Oui, oui, non, non, mais on le comprend, mais je te demande de le répéter pour voir si c'est bien ça. L'État a une vision du mariage, et pas seulement du mariage, non. L'État a une vision criminelle de l'étranger. Et tout ce que l'étranger va faire va pousser l'État à vouloir s'immiscer dedans. L'étranger dans les centres fermés, tu parlais des centres fermés tout à l'heure, on ne va pas trouver des Européens dans les centres fermés. Et pourtant, en théorie, une personne, un Européen pourrait se retrouver sans papier en Belgique. Mais... comment il pourrait se retrouver sans papier ? Il peut... Un Européen. Un Européen peut rester sur le territoire belge sans autorisation, entre guillemets, moins de 3 mois. Au-delà de 3 mois, il doit demander une autorisation pour pouvoir rester en Belgique. Et il peut arriver qu'une personne européenne pensant, parce qu'il y a la libre circulation, qu'elle peut rester tant qu'elle veut sur le territoire belge ou d'un autre pays européen. Et c'est pas vrai. Et c'est pas vrai. Si tu veux rester plus de 3 mois, tu dois entamer des procédures pour pouvoir avoir une carte belge, une carte E. C'est la carte pour les Européens. Et donc, ces personnes, elles vont rester beaucoup plus longtemps, mais ces personnes, on ne va pas les retrouver en centre fermé. Dans les centres fermés... C'est sûr ? C'est sûr. Dans les centres fermés... C'est sûr ? C'est sûr, je répète, c'est sûr. Elles vont être expulsées directement ou bien avec un ordre de quitter le territoire. Vous devez quitter le territoire, mais on ne va pas les emmener en centre fermé. En centre fermé, il suffit d'aller voir les chiffres de l'Office des étrangers parce que transparence et publicité de l'administration, il y a les chiffres. On retrouve des Marocains, des Congolais, parfois des Turcs, des Arabes, toute personne d'origine étrangère hors Union européenne. Donc c'est une politique qui veut criminaliser les personnes étrangères qui, de surcroît, n'ont pas un titre de séjour. Et on voit vraiment déjà le titre de ces centres, ce sont les centres pour illégaux. Illégaux, donc on ne veut pas aller voir quelqu'un qui est illégal, c'est une personne qu'on ne veut pas voir, qui ne devrait pas exister, qu'on devrait supprimer. Oui, c'est pas un peu... Vous voyez comme on a le temps, comme on est tout plein, comme c'est votre domaine quand même aussi. C'est intéressant de creuser un peu, hein, parce qu'au bout du bout, ceux qui sont pas dans cet univers-là, ceux qui sont blancs, travaillent, machin, ils vivent leur vie, tu vois, ils soupçonnent pas peut-être, hein, parce que quand on est black, quand on est marocain, quand on, vous voyez, il y a tout de suite, il y a tout de suite... On vous le renvoie chaque fois dans la tronche, que si vous êtes blanc, aux yeux bleus, vous ne voyez même pas de quoi on parle. Et moi, je trouve ça énorme, ça, d'essayer de mettre des mots pour comprendre que oui, on est dans une société à deux vitesses. Peut-être à plusieurs, hein, mais en tout cas à deux vitesses, vous voyez. Les blancs et les non-blancs. Non ? Qu'est-ce que vous pensez de ce que je vous dis ? Pourquoi j'ai préféré... Enfin, c'est pas que j'ai préféré, mais je ne veux pas dire... que c'est du racisme, parce que à la commune, la personne, je ne sais pas si tu te souviens, Brigitte, mais la personne qui ne voulait pas nous donner le récépissé pour l'accusé de réception des documents, c'était un Marocain. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas dire que c'est du racisme, parce que c'est pas spécialement des Blancs aux yeux bleus qui te disent non ou qui te mettent les bâtons dans les roues. Mais tu trouves du racisme aussi entre peuples, on va dire ça comme ça. C'est possible, mais en tout cas, il y avait des gens qui c'était un Marocain, ce monsieur-là, celui qui m'avait dit, c'était un Marocain. Donc si c'était un monsieur blanc aux yeux bleus, j'aurais dit, mais il est raciste celui-là, il veut pas m'aider, il veut pas ci, il veut pas ça, comme l'exemple d'autres personnes. Mais il y avait aussi des Arabes, des gens de ma communauté. Qui me mettait aussi les bâtons dans les roues, qui ne voulait pas ce mariage, coûte que coûte. Pourquoi, je n'en sais rien. Mais c'était l'homme de ma vie, et je suis maintenant, après 7 ans de mariage, je dis à tous ceux qui ont pu me dire non à mon mariage avec Youssef, vous aviez tort, je suis heureuse, je suis bien, nous avons un enfant, et tout va bien dans ma vie, et voilà. Donc, il faut pas généraliser. Je comprends qu'il y a d'autres trucs, je n'en sais rien. Mais, en tout cas, il y a de l'amour. Il y a des gens qui veulent se marier, s'unir, être bien. Des gens qui ont trouvé enfin l'amour. Bah, permettez-les de vivre cet amour, tout simplement. Voilà, et nous, on réfléchissait pourquoi l'État ne permet pas. Tu vois ? Parce qu'évidemment, moi, je crois qu'on sait bien que la vie se fait, que les gens s'aiment, que les gens se détestent. Voilà, c'est la vie. Mais comment ça se fait que l'État vienne s'immiscer comme ça dans ta vie pour empêcher les choses, pour rendre ta vie beaucoup plus difficile? Du coup, la question, c'est le racisme. Oui, mais comment on explique? Oui, c'est intéressant ce que tu dis. J'imagine que c'est pas simplement dans ton mariage... que tu découvres le racisme ou que tu le découvres pas. Ça se passe aussi ailleurs, dans d'autres endroits. Attends, il y avait quelqu'un qui voulait... Voilà. Moi, ce que j'ai voulu dire tout de suite, c'est pas parce que quelqu'un est d'origine, pour vous répondre un peu ce qu'Amal disait, c'est pas parce que la personne est d'origine marocaine qu'elle est marocaine. Elle peut être d'origine marocaine de 5e, 6e, peut-être 20e génération, c'est 20e, toi. Ouais, mais c'est le racisme, c'est un comportement, en fait, du rejet. Tu participes à un système qui est raciste. Ça fait de toi quelqu'un qui est raciste. C'est pas parce que tu es d'origine marocaine que tu peux pas être raciste. Non, à partir du moment où tu aides cette machine répressive à bien s'établir, tu contribues. Tu es raciste. Punto. Maintenant, ce que j'ai voulu dire par rapport à la loi, quand moi j'ai habité au Petit Château pendant longtemps, quand j'ai fait ma demande d'asile, quand j'ai pris mon annexe 26 et on m'a donné le papier, le document A4, c'est un document A4 qui a, sur lequel tu as ta photo, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, et il est marqué loi de 1981 sur l'éloignement des étrangers. C'est bien le mot qui est inscrit là-dessus. L'éloignement des étrangers. Je ne suis pas juriste, hein, mais ça, ce paragraphe-là, c'est une phrase qui m'est restée encore gravée dans les yeux. La loi sur l'éloignement des étrangers. On aurait pu utiliser d'autres mots pour dire la loi sur l'établissement des étrangers, par exemple, mais ils ont utilisé le mot la loi sur l'éloignement des étrangers. C'est un mot qui... Ça t'a fait quoi? Ça m'a dit, voilà, tu n'es pas le bienvenu ici, il va falloir sortir tes griffes pour te faire de la place. Et quelque part, je trouve que c'est discriminatoire, c'est un mot qui est fait pour mettre les gens, pour préparer les gens à prendre la fuite. Mais moi, quelque part, ça m'a fait du bien. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ah, ça tombe bien, parce que moi, j'aime bien ce genre de choc. J'aime bien ce genre de choc, j'aime bien le coup qui me mène, qui va m'amener à sortir mes boucliers, à sortir mes griffes. Et quelque part, ça m'a forgé aussi. Moi, c'est la première chose qui m'a frappé à l'œil, c'était la loi sur l'éloignement des étrangers. Voilà. Mais quoi, ça veut dire, ça raconte aussi... Ça veut tout simplement dire que les étrangers ne sont pas les bienvenus dans ce pays. Point. Oui, mais pourquoi? Mais parce qu'on est raciste, on ne veut pas d'eux. On les rejette. Mais pourquoi? Allons plus loin que ça. Allons-y plus loin. Il n'y a pas de place pour tout le monde. Je ne sais pas qu'il n'y a pas de place pour tout le monde, mais le gâteau là que nos grands-parents sont allés leur piquer, il ne faudrait pas que... les descendants de ces grands-parents-là viennent piquer un peu un morceau de ces gâteaux-là. Non. Sois plus clair. Hein. Soyons clairs. Ils viennent ici pour piquer notre boulot, ils viennent ici pour piquer notre travail, donc ils viennent ici pour prendre nos belles femmes. Donc il faut qu'ils soient le plus longtemps possible de nous. Donc ce mot de l'éloignement des étrangers, pour moi, ça résume beaucoup. Je pense que Mamadou l'a dit, et pour un peu répondre également à Mal, c'est un système. Il faut bien se rendre compte que c'est tout un système qui s'est mis en place pour pouvoir empêcher des personnes qui s'aiment de se marier. Tout simplement parce qu'il y a cette idée chez le législateur, chez le secrétaire d'État à l'asile et à l'immigration, ou les différents secrétaires d'État à l'asile et à l'immigration, parce que nous n'allons pas que viser Théo Francon, les choses n'allaient pas bien pour autant quand Théo Francon n'était pas au secrétariat à l'asile et à l'immigration. C'est toutes ces personnes qui décident des législations en matière de séjour, d'établissement et d'éloignement des étrangers, qui, depuis l'arrêt officiel de l'immigration, donc en 1972, ont décidé qu'il n'y avait plus de place pour l'immigration. L'immigration a toujours été vue comme quelque chose d'utilitaire. Quand on a besoin, quand tout va bien, l'étranger est le bienvenu. Quand il y a des crises, quand rien ne va, l'étranger est ce qu'on appelle l'étranger bouc émissaire. C'est celui qui est responsable de tous les maux de notre société. Si on doit rentrer dans l'actualité, regardons l'affiche du Vlaams Belang, où pour la sécurité des enfants, ben, ils prennent une petite fille blanche et une main noire qui obstrue la bouche et le nez de la petite fille. Cette idée que l'étranger est dangereux, l'étranger n'est pas quelqu'un d'honnête, se transcrit dans nos lois. Dans nos lois et les différentes modifications qu'il y a eu par rapport à cette loi de 1980 dont Mamadou vient de dire, on le sent, on le voit, les personnes qui militent depuis longtemps dans le domaine des droits des étrangers, les personnes qui, tous les jours, travaillent avec les lois sur le séjour des étrangers, se rendent compte à quel point le législateur met tout en place pour faire en sorte que peu de personnes arrivent à obtenir ce fameux sésame qui est un cachet sur un bout de papier qui te dit tu peux rester en Belgique. C'est ça, être un sans-papier. C'est un sans-papier, voilà, sans autorisation. C'est juste de ne pas avoir le bon cachet sur le bon papier qui dit « oui, vous pouvez rester en Belgique ». Et à partir du moment où ils refusent de vous mettre ce cachet, ça veut dire que tu n'existes plus, tu es invisible, on ne veut pas te voir. Et si tu essayes de te rendre visible, on va tout faire pour t'expulser. Il y a aussi une vision utilitaire du sans-papier. L'État aussi a besoin du sans-papier. Pourquoi ? L'État, avec les politiques aujourd'hui, l'État crée de plus en plus de personnes sans papier, en refusant de les régulariser, en refusant d'ouvrir la voie à une possible stabilisation dans la vie de ces personnes. Le travail au noir. Tout à l'heure, Amal disait que Youssef, tant qu'il n'a pas cherché à régulariser sa situation, il avait un salon de coiffure, il payait ses cotisations sociales. Mais pourtant, il n'a pas des papiers. Et on a beaucoup de personnes qui ont travaillé à un moment donné, qui se sont retrouvées sans papiers, qui ont perdu leur travail. Et quand ils veulent réclamer, parce que tout le monde a le droit de réclamer ses allocations de chômage, ou ces personnes n'ont pas le droit. Parce que Non, parce que dans la loi, il est écrit que quand on n'a pas de papiers, on n'a pas le droit de demander les allocations de chômage, alors qu'on a travaillé depuis plus de 13 ans en Belgique et qu'on a cotisé, et que le moment où il faut profiter du fruit de son travail... Parce qu'on est sans papier tout d'un coup, mais cet argent va où ? Reste dans les caisses de l'État. L'État a besoin également du sans-papier. Il y a eu, il y a 2-3 ans, une manifestation à Arlois pour dénoncer justement les travailleurs, le fait que le sous-traitant de l'État belge a eu recours à des sans-papiers pour construire le métro Arlois. L'État a besoin du sans-papier. L'État fabrique le sans-papier. Ah, ça, c'est sûr. Et c'est ça, souvent, on a également les femmes qui, la plupart du temps, ce sont des latinas, des femmes souvent qui viennent du Chili, de Colombie, qui s'occupent des enfants ici. Ces femmes disent, mais on est là, on s'occupe de vos enfants. De quels enfants ? Des enfants, des travailleurs belges, disons-le. Les personnes qui travaillent, parfois, si elles n'ont pas de place en crèche, elles ont besoin de personnes pour garder leurs enfants. Tout d'un coup... On trouve l'utilité dans les personnes sans papier. Mais quand il s'agit de régulariser leur situation, là, il n'y a plus personne. Donc, oui, tu prends l'exemple des femmes latinos pour dire que, oui, ça arrange bien que ces femmes travaillent en noir. Voilà. Alors, c'est comme ça que ça se passe, exactement. Vraiment. Tout à l'heure, tu disais que quand on nous met des bâtons partout, on cherche un moyen de vivre. Donc, on va chercher toutes les solutions. Et... À partir du moment où on trouve une solution, ah non, c'est pas possible. Comme je disais, il y a de nombreuses personnes qui se marient ou font la cohabitation légale, qui ne font même pas pour les papiers. C'est même pas le but d'avoir... Non, c'est juste se marier. J'ai une stabilité dans ma vie, c'est mon couple, je veux officialiser ça. C'est juste officialiser. Mais tout de suite, dans l'esprit du législateur, quand un sans-papier veut officialiser, c'est qu'il cherche... Voilà, c'est un criminel. C'est un criminel qu'il faut arrêter. Oui, je voulais revenir justement parmi les obstacles qui sont posés au couple. C'est pas seulement pour la demande de mariage ou de cohabitation, telle qu'on l'a expliqué jusqu'à présent, c'est aussi pour le regroupement familial. Donc, pour le regroupement familial, notamment, la personne qui permet le regroupement, donc la personne qui a les papiers, doit prouver des revenus qui sont aujourd'hui énormes, dans la mesure où la personne doit gagner pratiquement 1 500 euros, je crois aujourd'hui, c'est pratiquement... Tu trouves ça énorme ? Par mois. C'est-à-dire que c'est énorme si on pense à la réalité des salaires aujourd'hui. Il y a énormément de personnes qui ne gagnent pas cela. C'est fou quand même de parler comme ça. Comment... Voilà. Et donc, d'autant plus les personnes qui se retrouvent dans cette situation, qui sont obligées de dépenser beaucoup d'argent... pour récupérer les papiers qui doivent être, les documents qui doivent être présentés, etc., qui parfois doivent faire appel à un avocat. Oui. Bon, nous, on essaye justement, avec Amoureux vos papiers, de donner tous les renseignements avec l'aide donc de juristes, etc., assistants sociaux, pour éviter que les personnes doivent faire appel à un avocat, mais parfois c'est absolument nécessaire. Et Amal pourra témoigner. C'est très compliqué quand on se retrouve dans des situations où on n'a peut-être pas les diplômes ou simplement qu'il faut chercher du travail très, très, très rapidement, n'importe lequel, pour essayer d'avoir les revenus suffisants, c'est aussi un parcours du combattant. Donc, c'est encore un obstacle qui a été mis sur la route de personnes qui s'aiment et qui veulent continuer à vivre ensemble de manière officielle et légale. Donc c'est un peu comique, hein. C'est que Youssef, il a, comme je vous ai dit, un salon de coiffure, il gagne très très bien sa vie. Ton mari? Oui, c'est ça, mon mari. Et moi, à l'époque, je travaillais à mi-temps dans une société de sécurité. Donc je travaillais à mi-temps, je gagnais très très peu, hein. Et pour vous dire, c'est lui qui m'aidait à terminer les mois. Et la commune, qu'est-ce qu'elle me demande? Que c'est moi qui prends en charge mon mari à l'époque et que je dois avoir des fiches de salaire d'une somme phénoménale. Donc minimum 1307 euros si ma mémoire est bonne. Mais moi je travaillais à mi-temps, donc c'était pas mon salaire. Donc, qu'est-ce que j'ai dû faire? C'est que je devais prendre mon mari à ma charge, quoique j'étais à sa charge, à vrai dire. Donc, il m'a déclaré dans sa propre société comme un employé pour que je puisse donner. Vous voyez, donc c'est un système qui est assez absurde. Donc, mon mari m'a déclaré dans sa propre société avec un salaire comme eux, ils le voulaient. Donc, ils voulaient les magouilles, on a dû faire, malheureusement. Peut-être ça peut se retourner contre moi, tout ce que je dis là maintenant, mais c'est la vérité. On ne sait pas qui tu es. Hein. Mais de toutes les façons, pourquoi chercher ça, c'est chercher la misère. Il savait très bien que mon mari, il a une société, il a un salon de coiffure, il a un salon qui tourne, il avait des employés, il payait l'ONSS de ses employés, il payait la TVA, il payait un loyer, le gaz, l'électricité, tout ça c'est des charges. Et il faisait tout ça pendant des années. Il n'avait pas les documents, il n'avait pas les papiers. Pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas manifesté à ce moment-là? Ah non, parce qu'il donnait de l'argent. Maintenant, il veut avoir un minimum pour pouvoir être là à 100%, ah non, on le refuse. La première des choses qu'on fait, c'est qu'on envoie directement la police, 5 heures du matin, on se lève, tu pars, directement les menottes, et voilà, centre fermé. Ça t'a marqué, ça, hein? Ah, ça m'a marqué, bien sûr, bien sûr. Et ça nous a coûté énormément cher aussi, hein. C'est comme Michel a dit, c'est que ça tourne. On veut faire travailler tout le monde, on veut faire travailler les avocats, les juges, les centres, on veut faire travailler, c'est qui veut faire travailler? C'est l'État, c'est parce que, c'est comme elle a dit, ils ont besoin des sans-papiers. Ça les sert à quelque chose. Ça rapporte de l'argent, hein. Moi, avec mon mari en tout cas, toute cette histoire-là, ça nous a coûté énormément d'argent, pour vous dire. Et heureusement encore que Brigitte et d'autres personnes, ils étaient ici présentes. Ah oui, ça nous a beaucoup aidé. Ça nous a épargné un petit peu d'argent, mais ça nous a coûté quand même beaucoup. Beaucoup pour pouvoir s'en sortir. Oui, pour se défendre, etc. Mais voilà. Qu'est-ce que vous aurez envie de... On ne vous entend pas beaucoup, vous, hein? Vous avez peur. Quand Brigitte a présenté le réseau Amoureux Vos Papiers, elle a dit que depuis peu, on s'occupe également de la question de la reconnaissance de paternité. Parce que, encore une fois, là, on voit à quel point l'État peut bafouer des droits fondamentaux quand il s'agit des personnes d'origine étrangère. Là, dans beaucoup de personnes d'origine étrangère, avec ou sans papier, parce que ça a été mon cas, parce que mon compagnon a failli ne pas pouvoir reconnaître notre fils, c'est que on vient, alors que mon compagnon a un titre de séjour, hein, il a une autorisation pour rester en Belgique, et là, la personne de l'état civil nous dit mais le dossier va peut-être être envoyé au parquet. Comme Francesca l'a dit, quand on est militant et qu'on connaît ses droits et qu'on connaît les bonnes personnes qui peuvent nous conseiller et nous guider, là, je lui ai dit, mais est-ce que vous pouvez me dire sur quel élément vous vous basez pour me dire que c'est une reconnaissance frauduleuse ? Parce que la loi parle de suspicion. Donc, vous avez des éléments dans notre dossier qui vous dit que c'est une reconnaissance frauduleuse. Ah, c'est pas moi qui décide, je vais envoyer ça à mon chef. Je dis, ok, je vais envoyer un mail à votre chef pour que lui me donne les éléments pour, de mon dossier. Je peux vous dire que 2 jours plus tard, la commune m'a appelé en disant, mais non, votre dossier ne va pas aller. Quand on sait, quand on est guidé et qu'on sait et qu'on est soutenu, on peut toujours arriver ça, à quelque chose. Ouais. Et pour vous dire même quand on est outillé, comme tout à l'heure tu as dit, je suis juriste, quand je suis allée pour la déclaration et que la dame de la commune a barré avec son bic le nom de mon compagnon après le prénom de mon fils, j'ai fondu en larmes. Ah oui. J'ai tout oublié. Tout ce que je pouvais savoir, j'ai tout oublié. Mais madame, ne pleurez pas, ça va s'arranger. Je lui ai dit, mais vous vous rendez compte de la violence institutionnelle de ce que vous venez de faire ? Mais non, madame, je fais non. Quoi ? Parce que, bon, j'avais en face de moi une personne noire, mais qui travaillait pour la commune. Je lui ai dit, ah. De nouveau un exemple, ma maison. Hein? Donc, je lui ai dit, ah, parce que je suis noire et que son père est noir, mon fils n'a pas le droit d'être reconnu par son père. Qu'est-ce que vous faites de l'intérêt supérieur de l'enfant ? Bon, ma colère s'est retournée contre elle, mais ce n'était pas elle. Mais elle faisait qu'appliquer ce que plus haut on avait décidé par rapport aux reconnaissances de paternité. Mais je peux vous dire qu'il y a de nombreuses personnes qui aujourd'hui se retrouvent devant les tribunaux parce qu'une personne de l'administration a décidé que soit le mariage, soit la reconnaissance était une reconnaissance frauduleuse. Et vous avez des enfants qui n'ont pas le... qui ne connaissent officiellement, parce que c'est officiellement, dont l'État ne reconnaît pas la filiation. Énorme. Il y a des enfants aujourd'hui qui n'ont pas, dont le père ne peut même pas se rendre, je ne sais pas, hein, par exemple, à l'ONE, à l'école, et dire « je suis le papa ». Même si l'enfant va courir et dire « papa, papa », on va lui dire « mais monsieur, on ne peut pas vous donner votre enfant parce que vous n'êtes pas… » On ne vous reconnaît pas comme papa. On ne vous reconnaît pas. Et c'est ça la violence institutionnelle vis-à-vis des personnes sans papier. On ne leur reconnaît aucun droit. Et cette… non-reconnaissance a des répercussions sur leurs enfants. Sur la vie, quoi. Sur la vie tous les jours. Exactement. Aussi sur la vie des femmes. Oui. Qui, justement, elles ne peuvent pas compter sur le soutien de leur compagnon, quoi. Voilà. Je me rendais vraiment compte. Et encore, Brigitte parlait de documents. La manière dont... Ça fait 25 ans que je vis en Belgique. Et on me demande un acte de naissance. Je suis née au Congo. Et donc, dans ma tête, je me suis fait... OK. Donc... Là, on vient de me renvoyer le fait que, en fait, je suis une Belge de seconde zone. Ce qu'une Belge, belgo-belge, peut faire à la minute, moi, il m'a fallu 3 mois. Il m'a fallu 3 mois pour avoir rien que mon acte de naissance. Et je ne sais pas s'il y a eu un regain de... Et qui m'a coûté. Toute la procédure m'a coûté, heureusement, ou malheureusement, je travaille, heureusement, $300 pour... un acte de naissance, un jugement, faire légaliser par l'État belge et faire venir ça ici. Donc, moi, je travaille, mais toutes ces personnes sans papier qui ne travaillent pas, qui n'ont pas le droit de travailler, tu te disais, ils savent ce qu'ils font. L'État sait ce qu'il fait. Mais... L'État sait ce qu'il fait et ce qu'il veut, mais c'est évidemment... que le sans-papier sente qu'il n'est pas le bienvenu ici. Le Belge, est, en gros, il pourrait juste, à la commune, il pourrait juste mettre une pancarte et dire... Vous êtes belge, ne tombez pas amoureux d'un étranger, ça ne sert à rien, on va vous mettre des bâtons dans les roues. Mais j'ai envie, comme ça, sans... quand ça vous arrive comme ça, toutes ces choses, quand vous regardez les choses vraiment lucidement, moi, ce que j'apprends ici, c'est vraiment vrai. Hein. Enfin, j'essaye de tenir le fil. Est-ce qu'on ne développe pas de la rage, de vous voyez, de la violence, de l'injustice, comment on arrive à rester à rester sobre comme ça, à rester calme, oui. Comment ça se passe, ça? Parce que c'est vraiment une véritable question, ça. Hein, quand il y a un État qui est... Moi, je le dis, hein, j'ai pas de mal avec ça. Quand l'État est raciste, quand il est violent avec vous, quand il veut... Quand vous n'existez pas, quand... Comment on fait pour vivre? Devant tout cet appareil répressif qui représente l'État, moi, je pense qu'on développe une certaine haine, une certaine révolte de l'intérieur. Ça bouillonne et ça demande beaucoup d'énergie pour rester calme. Ça demande énormément d'énergie. J'espère tout simplement qu'on aura assez de force, en tout cas les autres comme moi, j'espère qu'on aura assez de force de rester calme comme ça le plus longtemps possible. Mais comme je disais tout à l'heure, ils n'ont pas le monopole de la violence. L'État n'a pas le monopole de la violence parce que ces actes de barbarie qu'il est en train de... C'est de la barbarie subtile parce que ce n'est pas toutes les formes de violence qui sont visibles à l'œil nu. Et ça, c'est comme tuer dans l'œuf, mais tuer à petit feu. Ce n'est pas la même chose. Parce qu'il y a des gens qui préfèrent accepter de mourir de façon effroyable. Vous ne comprenez pas ce que je veux dire. Mon grand-père me disait, il y a mieux vaut une faim effroyable qu'un effroi sans faim. Ce n'est pas la même chose. Donc, ils sont en train de faire ce que l'État fait actuellement, l'État belge, il faut appeler les choses par leur nom, est en train de... La goutte d'eau qui tombe sur la pierre finira par y entrer. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais le bouclier que nous essayons de déployer maintenant pour essayer de protéger, pour essayer de sensibiliser les gens, pour que les gens comprennent conscience de leurs droits. Et c'est vrai, les devoirs, c'est la première des choses que l'État va te mettre sous le nez, c'est voici ce que tu dois faire, tes devoirs. Mais en même temps, les militants sont là aussi pour essayer de faire comprendre à leurs concitoyens, à leurs amis, leurs droits. Nous sommes là pour ça aussi, pour essayer de faire comprendre les droits des gens pour qu'ils puissent les réclamer, pour qu'ils puissent les revendiquer. Donc j'espère tout simplement que cette force-là que nous avons actuellement de rester calme, ça nous coûte beaucoup d'énergie. J'espère encore que nous aurons toujours cette énergie-là de pouvoir rester calme en attendant qu'il y ait des lendemains meilleurs. Mais si ça persiste comme ça, avec un avenir sombre, eh bien on sera obligé de faire autre chose que de rester calme. C'est sûr, c'est sûr. Tu voulais dire? Attends, hein? Disons que je réponds à la même question. Ça me donne la rage, surtout la rage, parce que finalement, moi, mes droits ont été respectés. Mes droits ont été respectés parce que je suis une femme blanche, occidentale, éduquée et informée. Donc, voilà, ça me donne aussi... Donc, nous sommes là pour parler pour ceux qui ne peuvent pas. Donc, moi, je peux me permettre aussi de donner une réponse sèche un policier ou un employé de l'administration, parce que je n'ai pas peur de lui. Donc quand les policiers qui m'interrogent pour voir si la cohabitation légale est vraie ou pas, me relient les PV, il a écrit n'importe quoi, moi je lui dis, ce n'est pas ça que je dis, il faut corriger. Et lui il insiste, c'est à peu près la même chose. Ce n'est pas la même chose, je ne veux pas signer ces PV. Une autre personne qui n'est pas éduquée, qui a peur, parce qu'elle a été toujours éduquée à dire oui, à baisser la tête, elle va signer. Moi, je veux juste tiquer sur un truc quand tu parles, parce que ça me touche quand tu dis quelqu'un qui n'est pas éduqué, ça veut dire quoi pour toi? Parce que, hein? Éduqué, ça veut dire quelqu'un qui n'a pas été à l'école beaucoup. Donc, quelqu'un qui ne sait pas argumenter, quelqu'un qui n'est pas, par exemple, très à l'aise dans la recherche d'informations, parce que c'est clair. Enfin, moi, je ne suis pas juriste, mais je sais où chercher les informations si j'en ai besoin. Si j'ai besoin d'une info, j'appelle Nisha ou je cherche sur un site si elle n'est pas là et surtout avant d'aller à la commune ou à l'office étranger ou que ce soit. Disons que si je dois poser une question à l'autorité, j'y vais en connaissant déjà la réponse avant. Mais alors, parce que tu vois, le mot éduquer, c'est pas très joli comme... C'est plutôt tu as les codes pour jouer avec tout ça, tandis que d'autres n'ont pas les codes. C'est pas qu'ils sont moins intelligents, c'est pas qu'ils sont pas éduqués, c'est qu'ils n'ont pas les codes. Voilà, éduquer, pour moi, ça voulait dire de combien de temps tu as été à l'école. C'est important aussi. Ça te donne ça te donne plus de moyens, ça te donne plus d'assurance, il n'y a rien à faire. C'est un autre débat, ça, hein, mais pour moi, à l'école, au moins tu y vas, au mieux tu te sens, quoi. Éduqué, informé, aussi à quelqu'un qui a développé. développer une conscience de ses propres droits, voilà, qui se laisse pas faire oui, grâce à ça. Ça. Éduquer dans le sens d'informer. Je voulais dire un truc. Quand tu parlais de la rage plutôt de l'indignation, moi je voudrais bien que cette rage et cette indignation prennent l'ampleur aussi de la part des personnes qui ne sont pas directement touchées par cette situation, parce que quand on parle des sans-papiers, c'est encore plus ça pour pratique. Et voilà, on pense toujours que ce sont des gens que, voilà, à côté de nous, avec qui on ne va pas avoir de relation. Loin de nous, tu veux dire. Oui, on ne va pas avoir de relation, mais à tout le monde peut arriver de tomber amoureux dans un papier. Et, voilà, et vous allez voir tout de suite l'absurdité, la violence de ce système. Et moi, je pense toujours qu'une limitation des droits de quelqu'un, c'est l'imitation des droits de tout le monde. C'est juste, il faut juste attendre quand ça va. Voilà. Voilà. Je voulais ajouter quelque chose encore par rapport à la maîtrise de soi face à un acte violent. Quand nous avons fait la cohabitation légale et après avoir déposé tous les documents, tous les matins, quand moi je sortais par le travail, il y avait un zigoto qui était là tous les matins. Et quand je sortais, c'est le premier nez que je voyais en face. Il n'y a pas un arrêt de bus, il n'y a pas un arrêt de tram ni métro. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est ça que tu demandes. Ça, c'est une bonne question. Au début, ça ne me disait rien. D'abord, les deux premiers jours, je dis, mais attends, ce rat-là, il attend quoi ici? Donc, je ne disais rien. Et une semaine après, j'ai dit à Francesca, elle dit, mais tu sais, quand je sors tous les matins, il y a un farfelu là. Tu as dit à Francesca, ta femme, qui est ici présente. J'ai dit à ma femme ici présente que, tu sais, que quand je sors les matins, il y a un farfelu qui est tout le temps arrêté devant la porte. Elle dit, c'est pas vrai. Il dit, si, c'est vrai. D'ailleurs, si je le vois demain, en quoi je vais lui parler? Et ça, c'était vraiment... J'étais vraiment à la limite maintenant. La coupe était pleine et je suis allé lui adresser la parole. Je suis sorti matin. Il était là depuis combien de temps? Il était là depuis plusieurs semaines déjà. Mais depuis le jour que je manifestais, que je savais que c'était pour moi qu'il était là tous les matins, je ne l'ai plus revu. Donc, pour dire que quand on réagit face à la violence aussi, c'est vrai, je n'ai pas fait de photo, mais j'aurais dû le photographier. Mais je n'y ai pas pensé parce que je suis un être humain. Malheureusement, ma patience a des limites. Ma maîtrise aussi a des limites. Donc, je n'avais pas de Kalachnikov pour lui tirer dessus. Mais en tout cas, il n'est plus... Il n'est plus venu. Mais quoi, tu avais un bonhomme qui était fixe en face de toi pendant plusieurs semaines, comme ça, en face de ta maison, qui ne bougeait pas. Qui ne bougeait pas. Et dès que je partais, dès que je sortais de la maison, comment j'ai su qu'il était là pour moi? C'est arrivé au bout de la rue. Arrivé au bout de la rue, je me retourne et je vois qu'il avait disparu. T'es sûr qu'il y avait quelqu'un? Ouais, voilà. Bon, peut-être. T'es sûr qu'il y avait quelqu'un? Moi, je suis sûr qu'il y avait quelqu'un. Quand je sortais pour aller au travail, parce que moi, je sors après, je ne l'ai jamais vu. Oui. Ah bon, toi, tu ne l'as jamais vu? Non, parce que moi, je sors après. C'est dingue comme histoire. Et d'ailleurs, à propos de Kalachnikov, quand la police est venue, ils viennent à la maison pour faire l'enquête. Pourquoi, si vraiment tu habites là? Donc, il y a trois types. Un civil qui frappe à la porte. Alors chez nous, d'abord on ouvre la porte et puis on voit qui c'est. Il paraît que c'est pas une bonne habitude. Mon fils, il avait quel âge? 13 ans, 14 ans. Donc il dit bonjour, c'est la police. Donc il dit maman, c'est pour vous. On avait de la visite à la maison. J'avais ma marraine, qui est une dame âgée. C'était la première fois qu'elle sortait de son pays, était venue me voir. Donc j'ai dit s'il vous plaît, ne pas effrayer la marraine, qu'il ne me fasse pas une crise cardiaque. Et donc il dit oui, c'est la police. Il dit je peux voir. Une carte, quelque chose, et les types, comme dans les vraiment, films de mauvais goût, ils ouvrent la veste comme ça, ils me montrent des armes devant le petit. Mais non. Et moi, je dis, mais ça, n'importe qui peut avoir une arme. Donc moi, j'étais, si Mamadou n'avait pas été là, moi, j'ai vu le regard de Mamadou, il avait peur en ce moment. Moi, j'allais fermer la porte et appeler la police. Et la vraie, alors? Ben oui. Donc, finalement... À l'époque, Madou n'était pas en règle, donc voilà. Donc, bon, et je n'ai jamais vu, ni jamais su comment il s'appelle, ni est-ce que c'était vraiment des policiers. Tous les trois, ils m'ont montré des armes devant un enfant. Et puis bon, ils veulent visiter la maison, ils montent jusqu'à la chambre à coucher, jusqu'à la salle de bain, et pour compter les brosses à dents. Il y en a trois. Pourquoi il y en a trois? Je dis, écoutez, il faut vous inquiéter s'il y en a moins de deux. S'il y en a plus de deux, ça ne vous regarde pas. Vous regardez dans les paniers à linge, vous regardez qui dort à droite, qui dort à gauche dans le lit. Et puis bon, enfin, il y a nos photos dans la maison. Ça se voit que nous, on habite ensemble, quoi. Et puis ils sortent, et voilà, ils me donnent un papier. Ils disent, voilà, convocation, c'était déjà pré-imprimé, suspect de cohabitation légale frauduleuse, au nom de Madame Teresa González. Je dis, mais c'est pas moi. C'est la même chose, madame. Je dis, non, c'est pas la même chose, parce que moi, je dois demander une autorisation au travail pour m'absenter, et je ne m'appelle ni Teresa, ni encore moins González. Et c'est la même chose, madame. Mais quelle réponse! Et bon, donc, et j'imagine que Madame Teresa González aura eu la convocation au nom de Francesca, je ne sais pas. Mais bon, donc, dit voilà, ils ont une convocation. Dit, moi, je dois voir si ça convient au travail comme ça, non? Bien, comment ça? Et si quand vous êtes malade, alors comment vous faites pour le travail? Dit, ben, ça, c'est différent. Quand on est malade, on apporte un certificat médical. Ah, faites attention, madame, vous pourriez tomber dans les escaliers. Et je dis, mais vous me menacez là-bas. Et puis quand on était à l'interrogatoire, c'était le même qui se disait commissaire de la police de Uccle. Je n'ai jamais su, il n'a jamais signé aucun papier ni rien. Et qui m'a dit, mais madame, quand je disais la chose là des escaliers, vous l'avez mal pris. C'était pour rigoler. Et dit, mais moi, je n'ai pas l'habitude de rigoler quand un policier me menace. C'était son cousin, quoi. Il dit, vraiment, non. Et donc voilà, encore, il m'a posé des questions. Il n'était pas trop content des réponses, manifestement, et qui étaient les mêmes, parce qu'il dit, est-ce que vous voulez acheter une maison? Est-ce que vous voulez acheter une voiture? Est-ce que vous voulez acheter ceci et cela? Nous, on n'est pas trop achat. Donc, c'est toujours non, on ne veut pas acheter une maison, on en a déjà une. Non, on ne veut pas acheter une voiture. Pourquoi il vous pose cette question? Est-ce que vous voulez faire un enfant? On dit non, on en a déjà, chacun les siens. Bien, c'était pour voir parce que dans une pièce séparée, Mamadou était interrogé par un autre policier qui posait les mêmes questions. Et je suis persuadée qu'ils ont aussi une manière de vérifier où on en est. C'est grotesque. Ils ont aussi une manière de voir où on en est avec les questions. Parce que nous avons terminé au même moment. Ouais. Et donc, ils me demandent qui dort à droite et qui dort à gauche dans le lit. Et moi, je me suis mise à rire. J'ai dit, vous avez vu aussi le film là, avec Gérard Depardieu, la Greek Card? Et dis-moi, j'étais sûre que vous alliez me poser cette question. Et donc, j'ai répondu. Et dans les PV, c'est devenu, je m'attendais à cette question, nous l'avions souvent répétée. Il dit non, tu corriges ça. C'est la même chose, madame, dis-moi, je ne signe pas ça. Mais ça aurait été vraiment sur un plateau d'argent. Il dit voilà, c'est du faux. Mais pour te dire, ces choses t'envoient en paranoïa parce que nous, en sachant qu'on allait être convoqué par la police, on a commencé à dire, tiens, t'as fait l'école maternelle, toi? Combien? La maîtresse de l'école maternelle s'appelle comment? Et je ne sais pas quoi. On n'a pas d'école maternelle en Afrique, hein, donc. Non, mais tu vois des questions. Dis, l'école primaire, là, c'était comment déjà le nom de ton école primaire? Et ta cousine, celle-là, dis, comment elle s'appelle? Tu vas vraiment en paranoïa. Oui, mais surtout le temps, l'énergie, le contribuable qui paye, entre guillemets, tout c'est inintéressant. Hein. Sans oublier le nombre de fois que nous avons, parce qu'on s'est connus, Francesca et moi, on s'est connus à Globe à Roma, qui est une SBL qui aide les primo-arrivants à s'intégrer via la culture. Et donc, on a dû contacter les photographes de Globe à Roma, de rechercher dans les archives de photos, toutes les photos de toutes les réunions auxquelles nous avons participé ensemble, toutes les activités auxquelles nous avons participé, et même des fiches de, par exemple, les ambassadeurs qui accompagnaient, tout ça. Des fiches de rémunération qui donnaient aussi pour payer les tickets, les trams, métro, bus, tout ça, pour accompagner les bénéficiaires, quoi. Donc, on a dû chercher dans l'archivage de Globe à Roma toutes ces choses, quoi. Donc, c'est d'une violence très poussé, très prononcé, c'est lâche, je trouve que c'est lâche, parce que le mot lâche intervient quand tu t'en prends à quelqu'un qui a moins d'arguments pour réagir face à tes actions. Donc c'est disproportionné. Donc je trouve ça lâche, tout simplement. Il faut s'attaquer aux gens qui ont, par exemple, au fisc. On prend toujours cet exemple, mais on pourrait dire aux armes pour la guerre, Je prends la fiscalité parce qu'actuellement, on a besoin d'argent. On a besoin d'argent pour résoudre pas mal de choses. Et j'estime que c'est le combat le plus immédiat et le plus propre à mener directement dans un futur proche ou bien dans un présent actuel. Je pense que c'est le combat qui est mieux que l'État mène. Toute cette énergie qu'on met dans l'appareil répressif contre les étrangers, ben, il faut l'utiliser sur le fisc. ça sera beaucoup plus bénéfique pour les et pour l'État et pour voilà. Pour les gens. Pour les gens. Mais tout ça, ça donne quand même beaucoup de haine. On a beaucoup de haine en nous. Avec tout ce qui s'est passé, avec des fois quand on y pense, quand on en parle, il y a cette rage qui sort quand même, hein, parce qu'on a tellement passé des choses, on s'est tellement immiscé dans notre vie privée, au point que on se dit pourquoi est-ce qu'il y a autant de choses qui nous donnent cette rage qui est et qui reste en nous jusque maintenant. Ça fait 7 ans quand même. Pour moi, en tout cas, que ce calvaire est fini. Non, 5 ans. 5 ans maintenant, mais je l'ai toujours. Hein. Oui, mais tu vois tes frères et sœurs, t'es aujourd'hui, au présent, on est quand même, c'est quand même chose qui se passe, hein, non? Bien sûr. Ça fait mal au cœur hein, aussi. Hein. Et quand on y pense, on se dit comment on a pu être aussi courageux. Hein. Moi, j'étais courageuse. Vraiment, mais vraiment. Je me pose la question, comment j'ai pu résister à tout ce qui s'est passé. Mon mari aussi, il a passé tout le mois de Ramadan dans ce centre fermé, où il mangeait des bêtises. Hein. Et c'était interdit à ce que je lui ramène de la nourriture, c'est interdit. Je comprends, mais... Tu comprends, toi? Écoutez, je comprends. C'est parce qu'ils ont leur système, mais il faut respecter quand même. C'est pas parce qu'ils sont dans un centre qu'ils peuvent faire tout et n'importe quoi. Chaque place a un système. Tu dois suivre ce système. Ah oui, mais c'est qui c'est dans ce que tu viens de dire, qui décide, quel est le système qui prend le pas sur l'autre, tu vois? Si vous venez chez moi, vous êtes chez moi, vous allez suivre... Ma façon à moi. Vous allez pas. Oui, mais ça, c'est un... façon à vous. Ouais, non, là, on s'égare. Non, c'est... Si, parce que à échelle nationale, c'est pas la même chose que dans ton privé. C'est pas la même chose. On peut pas regarder les choses de la même manière. De toutes les façons. Moi, j'ai beaucoup de haine par rapport à tout ce qui s'est passé. Et mon mari aussi. Et je vous avoue qu'on se dit à chaque fois qu'on était vraiment très, très courageux. On était courageux. On arrive à la fin, les amis. Ben, en fait, quand... Enfin, pour moi, c'est une des raisons de mon engagement. C'est effectivement cette injustice que je ressens, cette révolte. Mais surtout, pour moi qui suis un peu plus âgée que les autres qui sont ici aujourd'hui, même si moi je n'ai pas vécu cette époque des années 30 et 40, j'en ai beaucoup entendu parler et j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup regardé, on le voit aussi à la télévision, ça me fait tout à fait penser à ce qui s'est passé à cette époque-là en Europe. C'est-à-dire ? Ben, tout ce qui a précédé la Seconde Guerre mondiale et le nazisme. Et toute la collaboration, hein, puisque moi je suis française et la collaboration a commis des choses atroces en France. Et c'est, moi ça me fait penser à ça. Et je ne veux pas que ça recommence. Et c'est pour ça que je lutte. Et c'est pour ça que je veux pouvoir sensibiliser le maximum de gens. Donc cette émission de radio pour moi peut contribuer. Sensibiliser le maximum de gens parce que ce qui se passe aujourd'hui d'abord est absurde. On n'a pas d'armée européenne, mais par contre on a une armée pour rejeter les étrangers non européens. On dépense un fric fou pour tous ces murs. Aujourd'hui on fête la fin du mur de Berlin, mais on n'a jamais autant construit de murs. On noie aussi les gens, hein, on n'en a pas parlé, mais on noie. Des lois, etc. On noie les gens. On noie les gens, donc il y a un génocide qui est évidemment d'un autre type que les génocides qu'on a connus à l'époque et les génocides qui ont suivi. Mais c'est un génocide. Nous sommes responsables, en tant qu'Européens, d'un génocide avec les gens qui se noient en Méditerranée, qui sont tués aux frontières, qui meurent de froid ou de faim pour pouvoir réussir à avoir une vie meilleure. C'est tout à fait atroce. Et donc, moi, je voudrais que ça s'arrête et je voudrais que les citoyens européens se rendent compte de ce qui se passe, hein, qui est une absurdité parce qu'on a besoin d'étrangers. Les études montrent qu'on a besoin de plus de je sais plus, 20 millions d'étrangers pour pouvoir recharger les batteries de l'Europe, hein, pour remplir le travail qui ne peut pas être fait par d'autres ou que maintenant on a trop de personnes âgées pour pouvoir faire ce travail. Donc c'est tout à fait absurde. On a besoin d'être des frères et sœurs, on n'est pas des ennemis. Voilà, et donc c'est vraiment tout cet imaginaire qui est créé à travers l'État que l'étranger est un criminel, est un méchant, etc. Et c'est vraiment un récit que je trouve épouvantable. Épouvantable. Et voilà, c'est pour ça que je suis militante dans ce que je fais. Par rapport au fait que tu posais la question, mais comment est-ce que cette violence, comment est-ce qu'on résiste à cette violence ? Brigitte ou d'autres, c'est par la militance Amal qui disait qu'elle va, depuis 2 ans, elle va au 127 bis pour faire de la distribution pour les personnes qui se trouvent dans les centres. C'est ça, en fait, nous, l'idée de ce réseau Amoureux Vos Papiers, c'est vraiment pour venir en aide, être un soutien à ces couples qui traversent, qui doivent se battre contre Goliath. C'est l'État qui est là, c'est pas n'importe qui. Et donc, le réseau Amoureux Vos Papiers est là pour que ces couples ne se sentent pas seuls. Parce que tu parles tout à l'heure, mais tu as tes frères, tu as tes sœurs, tu rigoles. Mais quand on est dans cette situation où on est criminalisé par l'État, alors qu'on fait rien de mal que d'être amoureux de quelqu'un, qu'on veut juste officialiser ça, on ressent parfois une honte à s'ouvrir à d'autres qui ne vivent pas la même situation. On préfère garder pour soi, entre nous, entre le conjoint et entre nous, ben, ce qu'on vit au quotidien de peur d'être jugé par les autres parce que les autres ne comprennent pas nécessairement ce qu'on est en train de vivre, ce qu'on est en train de traverser. Et le réseau est là pour ça également, pour permettre d'éviter ce entre-soi et de pouvoir extérioriser ce qu'on intériorise, cette colère face à l'institutionnel, tout ce qu'on retient durant... Il y a des couples qui ne survivent pas à ce parcours de combattant. Il y a des couples qui, à un moment donné, décident de tout arrêter. C'est pas qu'ils ne sont pas amoureux, qu'ils ne sont pas réellement amoureux. C'est parce qu'ils ont envie de baisser les bras. Ils en ont marre de chaque fois aller à la commune et de se retrouver, on nous demande des papiers qui, avant, on ne nous demandait pas. On nous demande des frais qu'on n'avait pas pensé devoir occasionner juste pour pouvoir se marier. Il y a des couples qui abandonnent. Il y a des couples également dont la femme a perdu l'enfant parce que par rapport à cette violence qu'ils vivent. Et donc, nous, le réseau, on est là pour pouvoir soutenir les gens et dire aux gens, vous n'êtes pas seuls, on n'est pas là pour vous juger, on n'est pas là pour critiquer vos choix de vie, on est juste là pour vous sensibiliser, vous aider et vous accompagner. C'est une manière aussi pour nous d'extérioriser toute la colère qu'on a face à cette injustice qu'on voit au quotidien, que ce soit en accompagnant des gens à la commune, que ce soit lors de visites que Brigitte peut faire dans les centres fermés, tout ce qu'elle peut voir comme violence institutionnelle. Notre seule réponse face à cette violence, c'est de dénoncer justement les injustices commises par l'État. Une injustice qui, au relent raciste et xénophobe, on va bien le préciser, ou même raciste et xénophobe, pas relent, raciste et xénophobe, on est vraiment là pour dire l'État, tu n'as pas tous les droits, d'accord ? On est dans une démocratie, le réseau est là, on est un réseau de vigilance citoyenne par rapport à ce qui se passe au quotidien dans les communes, on est là pour veiller à ce que les droits fondamentaux de toute personne, avec ou sans papier, européen, non européen, on est là, le réseau est là pour dire non, l'État, on a un œil sur toi. Et fais attention, on ne lâchera rien. Alors peut-être aussi que cette émission puisse bien sûr servir au maximum de personnes et être sensibilisée par cette question. Oui, et donc vous dire un peu ce que fait Amoureux Vos Papiers, le réseau. Donc, on a une rencontre mensuelle qui s'adresse à tous les couples ou toutes les personnes qui sont concernées pour leur donner des informations, un soutien sur le plan légal, social. Vous n'avez pas un lien, un site internet et des choses comme ça où les gens peuvent aller voir ? Tout à fait. Donc, effectivement, on a un site internet, amoureuxvospapiers.be. Et on a une page Facebook, donc on peut se communiquer avec nous aussi à travers Facebook. Et bien sûr, sur le site, vous avez toutes les informations nécessaires pour prendre contact. Et nous cherchons bien sûr des bénévoles. Il y a beaucoup à faire, hein, puisqu'on voudrait vraiment mener une campagne la plus massive possible. On voudrait étendre ce réseau et pas être seulement principalement sur Bruxelles, mais l'étendre. Donc, s'il y a des Flamands qui nous écoutent, on serait très heureux de pouvoir trouver un groupe qui puisse aussi travailler sur du côté flamand et en néerlandais. Ouais, et être plus nombreux pour être plus fort, c'est ça ? Plus nombreux pour être plus fort, pour mener des actions, pour dénoncer, hein, et pour essayer de faire changer les choses. Oui, et aussi on peut, on va faire la boucle comme ça, on peut se pointer au MRAX. On est ici à la, comment on appelle cet endroit, la salle d'attente pour une... Pourquoi ? Permanence sociale ou permanence juridique, voilà. c'est la salle d'attente. On est dans la salle d'attente. Voilà. Voilà. Salle d'attente, salle de réunion, salle de tout. C'est ici qu'on se rejoint, qu'on se rencontre. C'est justement dans cette salle qu'on se rencontre une fois par mois lors des réunions collectives permanences. Ben merci à vous, on arrive à la fin, c'est fini. Enfin, ça va être riche parce que c'est deux heures là. Mais là, je vais l'enlever ça. Quelqu'un a envie de boucler sur une petite phrase poétique, politique, tu dis ? Vivant la vie telle qu'elle est. On ne doit pas prendre les choses du mauvais côté, prenons plutôt du bon côté et allons de l'avant et soyons heureux tous ensemble, tout simplement. Oui, moi, ce que ça me vient, c'est genre battons-nous avec humour quand même, ça rend plus fort que... Sinon, c'est triste, c'est quand même moche ce qui se passe, hein. Oui, et puis l'amour n'est pas une affaire d'État. Non, du tout. Hein? Le mariage peut l'être dans certaines conditions, mais l'amour n'est pas une affaire d'État. Oui. Que tout aille bien. Merci à vous en tout cas.